بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قد بدأنا في الدرس الممنوع من الصرف. ما معنى ممنوع يا محمد؟ interdiction de prendre تنوين et à la place de prendre. ممنوع en lui-même, le mot ممنوع. L'interdiction, l'empêchement. طيب، وإذا قلنا ممنوع من الصرف. Il ne prend pas de تنوين et à la place de la كسرة. Ça va être une fête hasard, un hasard ou un mudaf. طيب الممنوع من الصرف قلنا ما وبارك الله فيكم أنه لا ينون سيغير في التنوين وفي حال الجر بارك الله فيكم السلام وفي الممنوع من الصرف في حال الجر يكون مجرور بالفتحة طيب الفتحة تكون نيابة سيغير سخام بلا كسرة سخام بلا سيبار فتحة طيب أنا بدي كوا بارك الله فيكم كل ممنوع من الصرف أنا دي كو سيغتان شوز seront ممنوع من الصرف par à partir de deux conditions العالمية إما التأنيث إما العجمة وإلى آخر طيب après on a dit il y aura الوصفية avec une des trois choses et on verra après quoi الجمع المنتهى الجموع c'est-à-dire avec une seule cause le mot sera ممنوع من الصرف طيب hier on a commencé à voir le ممنوع من الصرف سابق زينب فاطمة عكاشة طلحة فوق اسم ممنوع من الصرف باسكو سي سيغ العالمية سيغ كوا التأنيث نعم با فورسيمون برينون فيمينا باسكو حمزة سي با فيمينا سي با برينون فيمينا سيغ سي كوا تو برينون سو لا فورم كوا فيمينا طيب يونا ديكومبوزي كوا لي برينون او سونس فيمينا ان تخوا بارتي اون افي دي كوا C'est-à-dire on y a fait le ma'na ou fait le lafd dans la prononciation également dans le sens comme quoi Aïchatou Aïchatou également dans le sens il est féminin mais dans la prononciation il n'est pas comme quoi Zainab fait le lafd mudhakar ou fait le ma'na mouannath ou aïdan Ibrahim ouais Ibrahima t'as pas bien révisé on est toujours dans le mouannath là c'est pas Ibrahim ou aïdan Fatima il l'a donné C'est comme Aïcha ou tout ça. Ça tourne les frères, regardez. Hein, Barakallahu fikoum. Hein? Celui qu'on n'interroge pas est patient comme ça. Comme il a dit dans le sens, c'est la, la manière... Le frère, il a dit, fil lav ou fil ma'na. Aïcha, Fatima. Fil ma'na, ou laissa fil lav. Zainab, il nous en manque un, c'est lequel? Celui qui est masculin, mais qui est écrit comme un féminin. Comme quoi? Comme Hamza. Taïb, Talha, il a akhir. في اللفظ مؤنث وفي المعنى مذكر طيب كيف كنت تكوني كم خنو ممنوع من الصرف إيش تنو دانا بخنو تنو دان لكوز أحمد با أحمد أحمد أحمد pourquoi il est ممنوع من الصرف parce que dans la forme il ressemble à un verbe c'est-à-dire c'est un prénom sous la forme d'un sous la posée d'un verbe طيب أحسنت أحمد طيب أسعد إلى آخر طيب أسكي أدود بخنو من أمن صرف السلام عجمي من أنا عجمي كم كوا بار إكزامبل عيسى موسى إبراهيم طيب بارك الله فيك أنا بدي الأغلبية طيب أنا بدي فو فيغي نوح اللي ممنوع من الصرف كيسكي أنكور إيجالمون يا محمد qui termine par alif nun et qui a trois lettres avant précédé de trois lettres c'est-à-dire tout prénom qui finit par alif nun précédé de trois lettres comme quoi Aïman Othman Taïb Barakallahu fik Affan il y a combien de lettres il y a alif nun à la fin il y a Affan il y en a combien avant Affan, faut lui voir. Trois. Regardez bien, il va vous faire voir. Trois. Citez-les, vas-y. Oui, il y a trois. Ah, Kefa deux fois. Voilà, Ain et deux fois le Fa Mouchaddada. Taïb, Barakallahu fikoum. si une personne à Kamel a dit tous les prénoms sont même le Manassaf, il a raison? Non, parce qu'il y a deux conditions. C'est-à-dire il lui faut une autre condition. Al-Alamiya binafsiya la takfi. On a dit quoi? Que le prénom lui-même ne suffit pas. Un exemple, un prénom Monsarif. Mohammed. Mohammed, c'est un prénom comme Ahmed, non? Et pourtant, Mohammed, il est Monsarif. Pourquoi? Il n'est pas sous la forme d'un verbe. C'est pas un prénom étranger. C'est pas un prénom qui file avec Alif ou Noun. Et c'est pas un prénom également quoi? Sous la forme féminine. Alors ça veut dire quoi? Il est Monsarif. Et Monsarif, ça voudra dire quoi? Il accepte le tanouin. Et quand il prendra une kasra, il acceptera. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Barakallahu fikoum. Qu'est-ce que ça veut dire, Abdel Hakim, quand on dit Ahmed, Anwar, Akbar, As'ad, Al-Alamiya, Ma'awazin al-Fi'al? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ahmed, on a dit les mêmes noms, pourquoi? Parce que c'est un prénom sous la forme d'un verbe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Explique-le au frère. Par exemple, il y a comme. Je peux prendre des exemples plus français. On t'écoute, tu nous expliques comme si c'est toi qui expliquais là. Bah, par exemple, en français, il y a des groupes. Comme la terminaison IR. Comme manger, hein, le premier groupe, sortir, mourir et l'akhir, taïb. On ne peut pas dire que c'est pareil, mais. Non, moi je vais donner cet exemple là pour que vous compreniez. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, si on prend le verbe mourir, tout le monde y est? Ça, c'est un groupe. Mourir, courir, sortir et l'akhir. Vous avez compris ça? Si on mettait un nom, un prénom sous cette forme-là, vous me suivez? Ça deviendrait quoi? Mamnu' min as-sarf. Vous avez compris ça? Et quand tu regardes bien, Allah alam, tu ne trouves pas un prénom sous cette forme-là. Vous avez compris ça? Alors, Ahmed, quand tu l'écris, Ahmed, il est sous un pesé comme af'al. Et af'al, il y a des verbes comme ça. Akram. Atrala. Vous avez compris ça? Si tu prends le mot Mohamed, le prénom Mohamed, tout le monde dit Ou Bilal. Dans la langue arabe, il n'y a pas de verbe sous cette forme-là. Bilalun. Ou Mohamedun. Vous avez compris? Tu ne trouveras pas un verbe sous cette forme-là. Tout le monde a compris ça? Même Ismaïl. On prend Ismaïl. Est-ce qu'il est même nu' min as-sarf parce que c'est un prénom sous la forme d'un verbe? Vous avez compris? Juste ça, je voulais. Hein? Ismaïl, il n'est pas même un sarf, pourquoi? Parce qu'il est sous la forme d'un verbe. Si tu cherches, il n'y aura pas de forme de verbe comme Ismaïl. Pourquoi? On a dit que le maximum dans la langue arabe, c'était 6 lettres. Et Ismaïl, il y en a combien? 7. Ismaïl, il est même un sarf. Limada. Al-Alamiya, ouais, Al-Ujma. Tout le monde a compris ça? T'as compris ça? Tu l'avais fait, même un sarf? T'as compris ça? Taïb. Bismillah, alors. On avait vu ces 4 choses-là. Et Bidnillah, il restera quoi? On verra ça dans le 2, je crois. Omar, pourquoi il est même nu'a minasarf? Taïb? Barakallahu fikoum. Nous, on suit le 1, comme ça, tout doucement. C'est-à-dire, si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses grâce à Allah. Taïb, bismillah. On continue. Alors là, on va prendre quoi? Barakallahu fikoum. Le B. Un grand B. Kaslanu, Jaw'anu, Atchanu, Shab'anu, Mal'anu. Tout le monde dit, Inch'Allah. Taïb? Ici, on est rentré dans quoi? Al-Wasfiyya. Ça veut dire quoi? La description. Taïb? Et ici, Kaslanu, Wajawanu, Achanu, Shab'anu et Mal'anu. Si vous avez fait attention, ce sont quoi? Que des descriptions. Taïb? Tu y es, Abdelmajid? Bah, dis-nous-le, comme ça, tu vois, j'explique, je vous ai demandé tout à l'heure. Il est là. Grand B. Regardez bien. Taïb? Alors ici, quand tu auras une description qui finira par Alif wa Noun, ça ressemble à quoi ça? Al-Alamiya, comme Uthman ila akhir. Précédé de 3 lettres, ce sera Mamnu' min as-sarf. Hein? Vous avez compris? Tu ne diras pas Muhammadun Kaslanun. Hada khata. Muhammadun Kaslanu. Taïb? Kaslanu, ça veut dire quoi? Quelqu'un de feignant. Jaw'anu, affamé. Achanu, assoiffé, shab'anu, rassasié, mel'anu, plein. Taïb, comme tu le vois ici, dans les 5 exemples, ils sont mamnu' min as-sarf. Ils n'acceptent pas de tanouin. Hein? C'est compris ça, Inch'Allah? Abdelkarim, tout le monde a compris? Je vais vous donner une description où il sera munsarif. Et en plus, il finit avec Alif wa Noun. Alors, tu diras quoi, par exemple ? Tu dis Hada Rajulun Jabanun. Hein, si tu veux l'écrire, écris-le. Jim, Ba, wa Alif, wa Noun. Jabanun. Jim, Ba, Alif, wa Noun. Jabanun. C'est bien comme ça. Après un ba comme bab. Voilà. Jaba avec une prolongation du alif. Jabanun. Vous avez compris là? Jabanun. Taïb, si on compte les lettres là, la première lettre c'est quoi? Jim. La deuxième? Ba. Et la troisième? Alif. Il reste une lettre encore. Alif. Et la quatrième? Nun. Et on a dit quoi? El wasfiya, il faut qu'elle soit précédée de quoi? De trois lettres. Il y a combien de lettres là? Deux lettres. Pourtant, c'est une description. C'est une description, non? Qu'est-ce que ça veut dire, Jaban? Quelqu'un de lâche, quelqu'un de peureux. Rajulun Jaban. Vous avez compris ça? Hein? Et le verbe, c'est Jabuna. Être lâche. Taïb. Dans ce cas-là, tu mettras une tanwin. Taïb, c'est compris? Bien. Ayman, c'est compris? Saber, vous avez compris? Kamel. Tout le monde a bien compris, Inch'Allah? Hein? Taïb. On fait après le deuxième. Abyad, Aswad, Ahmar, Asfar, Akhdar et Azraq. Ce sont des noms de couleurs. Taïb. Ici, c'est quoi? Al-Wasfiya, Al-Wazn al-Fi'al. Ça ressemble à quoi ça? À Ahmed, à Anwar, à Asad, à Akbar. Vous vous rappelez de ça? Mais la différence entre les deux, c'est quoi? Un, c'est l'Alamiya, c'était quoi? Les prénoms. Et là, c'est le Wasfiya, c'est description. C'est-à-dire une description sous la forme d'un verbe comme ça, ça sera quoi? Mamnu' min as-sarf. Tout le monde a compris ça? Hada rajulun, tu diras quoi? Abyadun ou abyadu? Abyadu. Tout le monde a compris ça? In bimbab al-fa'ida, la différence entre le pesé du verbe avec la description et le pesé du verbe avec les prénoms, c'est que j'ai trouvé Abiyad Aswad, c'est la seule forme de verbe que tu trouveras comme ça, au niveau des descriptions. Je répète pour bien m'exprimer. Regardez bien, par exemple, quand on avait pris comme Ahmed, Anwar, As'ad, il n'y a pas que ce pesé là, dans l'Alamiya. Vous comprenez ce que je dis? Par exemple, Yazid, c'est même Mamnu' min as-sarf. Yazid, tu ne dis pas Yazidun. Mais il est sous la forme d'un verbe. Vous avez compris? Est-ce que Yazid, ça s'écrit comme Ahmed? Là. Mais lui aussi, il est même en salle, pourquoi? Salam. Vous avez compris ça? Ahmed, t'as compris? Oui. Je répète, les frères. Là, regardez, écoutez-moi bien. Taïb. Ahmed, il est sous la forme de quoi? De af'al. Taïb. Ici, l'auteur du livre, il nous a donné que ces exemples-là. Regardez bien. Ahmed, Anwar, Akbar et As'ad. Les quatre, ils se ressemblent. Mais il y a d'autres prénoms qui sont également sous d'autres formes de verbes, comme Yazid. Vous connaissez ce prénom, Yazid? Non? Vous ne connaissez pas? En tout cas, c'est connu. Hein? Yazid, ça, moi aussi je connais quelqu'un. Il y en a plein qui connaissent des frères Yazid. Taïb, Yazid, c'est un prénom arabe, mais faux, sous la forme d'un verbe, et ça fait quoi? Mamnu' min as-sarf. Tout le monde a compris où je veux en venir là? Ça veut dire que la forme d'un verbe dans le prénom, il n'y a pas que une seule forme. T'as compris Kamel? Alhamdulillah. Tout le monde a compris comme Kamel, Ayman? T'as compris? Tout le monde a compris là? T'as compris? Qu'est-ce que t'as compris? C'est la forme d'un verbe. Quoi? C'est la forme du verbe. Comme c'est la forme du verbe, explique-moi ce que je viens de dire là. Parce que si t'expliques comme ça, on peut pas comprendre là. Je dis Yazid. Ouais. Yazid, c'est la même forme que t'as fait. Ouais, également. J'ai rajouté quelque chose d'autre. Puis qui continue ce que j'ai dit? En fait, pour la description, il n'y a que la forme... Af'al. Très bien, mashallah. Tu as compris? Noms, j'ai dit quoi? Il faut être avec nous, Mahdi. T'as pas l'air de... Taïb. J'ai dit quoi? Regardez bien. Ahmed, Anwar, ces prénoms qu'on avait là, dans le cours d'hier, on a dit c'est Mamnu' min as-sarf, pourquoi? C'est un prénom sous la forme de Af'al. Tout le monde a compris? Mais il y a d'autres prénoms sous d'autres formes de verbes. Comme quoi? Comme Yazid, Yashkor, tout ça, ce sont des prénoms. Il n'y a pas que cette forme-là, comme vous voyez là, Af'al. Et aujourd'hui, on vient de voir quoi? Abiyad, Aswad. Vous comprenez? Cette forme-là, c'est la seule. Vous avez compris ça? Ça veut dire, si tu trouves une description autre que ça, il sera Munsarif. Vous avez compris? Abiyad, Aswad, Ahmar, c'est sous la forme de quoi? De Af'al, comme Ahmed. Inch'Allah, c'est compris. Comme ça, t'as compris, Abdelmajid? C'est vrai? Bien ou c'est pas trop clair? Pas trop clair, mais ça va. C'est quoi, t'as pas compris, hein, Abdelmajid? T'as dit que Yazid, c'est sur une, sous une autre forme de verbe. Voilà. Dans la langue arabe, il y a beaucoup de pesées. Il y a beaucoup de formes. Comme en français, il y a deux groupes ou trois groupes. Hein? Manger, sortir et le dernier, Allah Alim, je me souviens plus. Ça fait taïb. Et là, Ahmed. On avait dit hier, quand écrit Ahmed, Allah ybarik fi, qu'il est sous la forme de Af'al. T'as compris ça? Il est même Namnasaf. Si t'écris Yazid, il est même Namnasaf, mais dans une autre forme. T'as bien vu, si t'écris Ahmed et t'écris Yazid, c'est pas les mêmes. C'est pas la même écriture. C'est vrai ou non? C'est une autre forme de verbe. C'est-à-dire sous la description. Et bien là, si t'écris par exemple Abiyad, Aswad, Ahmar, c'est le seul pesé au niveau de la description qui est même Namnasaf. T'as compris, Ahmed? Ah, parce que le Yazid, il y a Yashkor, ça commence par le Yaz. C'est différencié de Ahmed, c'est pas la même. Il y a plusieurs pesées. Il y a Abdelkarim, c'est compris? Qui a pas bien compris? Mohamed? Non. Clair, bien ou je répète? Non. C'est vrai? Ouais, oui. Est-ce qu'on peut trouver un autre pesé dans la description? Al-Wasfiya? Non. Non. C'est-à-dire le seul pesé qu'on a devant nous, c'est quoi? Af'al. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Barakallahu fikoum. C'est compris, ça perd un petit peu? Hein? Ayman? Abdel Hakim? C'est vrai, bien compris. T'as compris la différence entre le pesé Af'al dans le Wasfiya et Af'al dans l'Alamiya? Il n'y a qu'une forme dans la description. Et plusieurs formes dans Mamnou' min as-Sarf. Très bien, mashallah. T'as vu? Alors, on a quoi là? Abiyad, Aswad, Ahmar, Asfar, Akhdar et Azraq. T'as vu? Il reste une faïda, mais j'ai peur de vous la dire. J'ai peur que ça vous embête après. T'as prenez maintenant Jim. Masajido. Tout le monde a compris ça, Inch'Allah. Hein? Parce que là, on vient de finir quoi? On vient de finir, grâce à Allah, Al-Mamnou' min al-Sarf, où il fallait deux conditions. Al-Alamiya est une des quatre choses qu'on a vues. Et l'Wasfiya est une des deux choses. Et là, on va rentrer dans quoi? Dans comment? Al-Jam'a. C'est-à-dire le pluriel, la fin des pluriels. Taïb, regardez bien. Masajidu, Madarisu, Fanadiku, Makatibu, Daqa'iku. Taïb, tout le monde y est là? Dekaim, si tu peux me passer juste une feuille comme ça, je vais faire mon refou. Allez, comme ça, là, moi. Regardez bien. Salam. C'est pas difficile, les frères, ça. Regardez bien. Là, on va commencer par Masajidou. Le singulier, c'est quoi? Masjid. Taïb, ça, ils appellent comment? Sirat al-Muntaha al-Jumwa. C'est la fin d'un pluriel. C'est-à-dire, dans la langue arabe, on avait dit quoi? Certains mots, ils ont plusieurs pluriels. Taïb? Vous avez compris ça? Ça veut dire là devant toi, Masajidu, Madarisu, Fanadiku, Makatibu, Daqa'iq, c'est la fin d'un pluriel. Normalement, tu n'as pas à donner un autre pluriel. C'est bien compris ça? C'est-à-dire quoi? Quand tu trouveras cette forme-là, c'est sous la forme de mafa'il. Regardez bien. En dessous de masajid, écrit sous le mime, tu mets un fa. Un mime, je veux dire. Mafa'il. Tu mets un mime, après, tu prononces le fa. Et après, sous le jim, tu mets un in. Et tu écris après un lam. Mafa'il. Tout le monde y est ? Tout le monde a écrit ça, Inch'Allah, Kamal, t'as écrit ? Taïb. C'est-à-dire, toi, quand tu vas trouver un mot sous cette forme-là, ce sera quoi ? La fin d'un pluriel. Vous avez compris ? Par exemple, kilabun, c'est mamnou' min as-sarf ou c'est munsarif ? Pourtant, c'est un pluriel. C'est quoi ? C'est munsarif. C'est munsarif. Tu vois bien que kilab, si tu l'écris sous masajid, il est différent. C'est bien compris, ça ? Hein ? Alors, masajidou, madarisou, c'est sous la forme de quoi ? De mafa'ilou. Et cette forme-là, dans la langue arabe, elle est quoi ? Mamnou' min as-sarf. C'est-à-dire, si tu veux dire, par exemple, dakhaltu fi masajidi ou fi masajida ? Fi masajida. Pourquoi ? Parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Vous avez compris ? Masajidu, il est sous la forme de mafa'ilou. C'est bien compris, ça ? Taïb. On prend celui qui est en dessous de... Également, il reste quelque chose, taïb. Et... Avant la prolongation, vous le voyez la prolongation là ? Masajidu, madarisu. Tout le monde y est ? Il faut qu'elle soit précédée de deux lettres. Taïb ? Tout le monde a écrit ça ? Alors regardez bien, quand tu lis Masajidu, Al-Alif avant, il y a combien ? Deux lettres. Madarisu, deux lettres. Fanadiqo, ila akhir. Tout le monde a compris ? On lit en dessous. Dal, Manadilu, Mafatihu, Fanajinu, Karasiu. C'est la même chose qu'en haut. Mais la différence, c'est quoi ? C'est qu'avant la dernière lettre, il y a quoi ? Il y a lia. Hein, vous avez bien vu, même le pesé, il se ressemble. C'est-à-dire, si quelqu'un ne fait pas une petite prolongation, on pourrait le confondre avec quoi ? Avec celui d'en haut. Imaginez-vous quelqu'un qui lit mal, Masajidu. C'est vrai ou non ? Si quelqu'un il lit mal, il va dire quoi ? Masajidu. Alors que normalement, c'est quoi ? Masajidu. Ou l'inverse, par exemple, pour lui dire Mafatihu, il dira quoi ? Mafatih. Vous avez compris ? Alors que normalement, c'est quoi ? Mafatihu. T'as vu ? C'est-à-dire, ces deux pesées-là, c'est quoi ? Mamnou' min as-sarf. C'est compris, ça s'avère ? Bien ou. C'est-à-dire, si vous trouvez un mot sous cette forme-là, qui est un pluriel, c'est ça la base. Mais Inch'Allah, il y a certains mots, ils ont cette forme-là, mais ils disent que ce n'est pas un pluriel de base. Comme par exemple, tamat, ou tabashir. Tabashir, c'est quoi ? C'est l'écrit. Il est venu directement sous la forme du pluriel. Hein, ça, ce sont des exceptions. Ou sarawil. Vous entendez, par exemple, il dit sarawil, alors que certains, il y a une divergence par rapport à ça. Est-ce que Sarawil c'est un pluriel et est-ce qu'il a un singulier ? Certains disent que Sarawil ça s'utilise directement comme ça. Et certains disent qu'il a un singulier, c'est Sarwal. Mais bon, c'est pourquoi je vous dis ça, pour que vous compreniez que certains mots, ils s'utilisent au singulier alors qu'il a une forme déjà au quoi ? Au pluriel. Mais sinon, la conclusion de ce dos-là, c'est quoi ? Barakallahu fikoum. C'est si tu trouves un mot de cette forme-là sous de mafa'il ou mafa'il, sache qu'il est mamnou' min as-sarf. Ça veut dire, est-ce que maintenant, quand tu trouveras le pesé kamel, mafa'il ou mafa'il, il faudra une deuxième chose, une deuxième cause ? Non. En lui-même, il suffit pour qu'il soit quoi ? Mamnou' min as-sarf. Vous avez compris la différence à ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on a vu hier ? Masajidou, en lui-même, il est mamnou' min as-sarf. Pourquoi, Mohamed ? Parce que c'est sur cette pesée-là. Il est sous la forme de mafa'il. Et mafatih, il est mamnou' min as-sarf, pourquoi ? Mafa'il. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Taïb. On va s'arrêter là comme ça. Demain, on finira juste Arniya et Fouqara. T'arrives ? Quelqu'un a une question par rapport à ça ? Saber ? Ayman ? Mohamed ? Bien, bien ? Il n'y a pas de mal. Celui qui veut que je réexplique quelque chose, il me le dit. Il n'y a pas de mal. Kamel ? J'ai compris, c'est bien. Mohamed ? Abdel Hakim ? Il n'y a pas de mal, vas-y. Qu'est-ce que t'as pas compris, la traduction ou t'as pas compris le dars? J'ai pas compris c'est quoi les. Kaslanou, on a dit. On a dit Kaslanou, c'est. On est dans quel chapitre là, Kaslan? La description. Taïb. Est-ce que t'as compris Jaban? Quand j'ai dit Rajulun Jaban, tu l'as écrit ça? Eh ouais, c'est ça le problème. Tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que tout le monde écrit? J'ai appelé Jim, Ba, Ali, Fouanoun, Abdel Hakim. Je vais répéter, Inch'Allah. Kaslanou, pourquoi c'est Mamnou Amin Sarf? C'est tout. C'est-à-dire, toute description Alif Noun, c'est Mamnou Amin Sarf. Non, avant. Précédé de trois lettres. On a dit quoi? La description Al-Wasfiya qui finit par Alif ou Noun précédé de trois lettres, il sera quoi? Mamnou Amin Sarf. Pourquoi on a dit précédé de trois lettres? Car tu peux trouver une description qui est précédée que de deux lettres, comme Rajulun Jaban. Jaban, épelle-le, comment on l'écrit Jaban? Jaban. Jim. Ou Noun. Avant le Noun, il y a combien de lettres? Deux. Deux. Jim ou Ba. Jaban, Noun. Et là, il est Mounsarif ou il est Mamnou Amin Sarf? Mounsarif. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quoi? Une des conditions, c'est qu'il est pas, le Alif ou Noun n'est pas précédé de trois lettres. T'as compris, Abdel Hakim? Écrivez, hein, comme ça vous serez. T'as compris, Abdel Hakim? Tout le monde a compris? C'est compris? Taïb, Inch'Allah. Et là, voilà, Inch'Allah. Barakallahu fik. Et révisez les frères, hein. N'oubliez pas les dars d'hier et d'aujourd'hui. Comme ça, demain, on finit, Inch'Allah, Arniya. Et je vous rajouterai quelque chose, Bidnil, après. Barakallahu fikoum.